Préférez vous porte et vous transporte. Venez les rencontrer au Salon international du livre de Québec sous la présidence d'Alain Mabancou du 13 au 17 avril au Centre des congrès de Québec. Dans Stéréo Local, Jessica Leb au micro de CKRL 89.1. On est ensemble de 15h30 à 17h30, donc sur les ondes de CKRL 89.1. J'espère que vous avez le moral aujourd'hui malgré cette petite neige qui tombe encore et encore. Le printemps se fait vraiment désirer avec ces températures qui n'arrêtent pas de bouger. Mais à partir de mercredi, ça devrait se stabiliser et les températures monteront enfin. Au programme aujourd'hui, eh bien, on va parler du premier fashion truck. À défaut d'avoir des food trucks à Québec, on aura le premier fashion truck, ça y est, c'est annoncé. L'inauguration officielle, ça sera demain à Limoilou, sur la 3e avenue, juste en face du Bal du Lézard. Et c'est la collection Gaïa qui a lancé cette initiative. Alors, on sera avec la designer Chantal Durette pour en parler dans quelques instants. On recevra également la directrice artistique du Carrefour International de Théâtre. La programmation a enfin été dévoilée ce matin pour l'édition 2016, donc on fera un grand survol avec elle. Les chroniqueurs également, Raymond Poirier, Sabrina Cloutier, Jacques Boivin seront là pour leurs chroniques respectives. Raymond Poirier nous parle technologie d'information chaque lundi. Sabrina et Jacques Boivin seront là pour critiquer les spectacles qu'ils ont vus en fin de semaine. Ça s'est passé du côté de la salle Albert Rousseau avec du Fédo et du côté de l'Anti avec un triple plateau. On vous en dit plus dans les alentours de 17h. On passe maintenant du côté de Fermont, un rendez-vous également du lundi puisqu'on y est toujours en ouverture d'émission grâce à Carl Gagné Côté, qui représente CFMF, une radio communautaire à Fermont. Bonjour Carl. Allô Jessica. Alors, petit point météo comme d'habitude, est-ce que l'hiver vous délaisse peu à peu à Fermont? Ouais, ben écoute, tranquillement, pas vite. Là, je te dirais que nous, on est habitués à ce qu'au mois d'avril, l'hiver continue de s'attacher. Donc, on a encore du froid, on a encore de la neige, mais c'est mélangé avec le soleil et des épisodes un peu plus chauds. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on est comme, je sais pas quel phénomène fait ça, mais le soleil est très très fort. Donc, il fait moins 10 dehors, mais ça fond partout. Alors, on est pas mal dans cette période-là. Il fait froid, mais ça fond tranquillement. La nuit, il y a un petit peu de neige, ça regèle. Donc, on va finir par l'avoir. Là. Je te dirais que d'ici le mois de juin, on devrait perdre tout ça. D'accord. Bon, Carl, on parle à l'échelle locale du club de judo de Fermont qui participait au championnat de l'Est du Canada à Edmundston. Oui, ils étaient là en fin de semaine au Nouveau-Brunswick. J'ai pas encore tous les résultats officiels que les judokas ont accomplis. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont récolté 8 médailles sur une possibilité de 13. Alors, il y avait une dizaine de judokas, des adolescents, des jeunes, qui font partie du club de judo. Et il y avait des entraîneurs aussi, des adultes, qui sont entraîneurs au club de judo, mais qui participent à des compétitions de temps à autre également. Donc, 8 médailles sur les 13 représentants qui étaient là-bas. J'ai bien hâte qu'ils soient de retour pour pouvoir avoir les détails un peu de cette compétition-là. Mais c'est une compétition d'envergure. Là, c'est vraiment les championnats de l'Est du pays. Donc, il y a des judokas du Québec, des Maritimes. Si je me trompe pas, on avait des judokas qui venaient de l'Europe également pour participer aux compétitions cette année. Certains de l'Amérique du Sud aussi. Donc, c'est une compétition assez étonnante. C'est super plaisant de voir nos judokas d'ici qui vont participer à une compétition comme ça puis qui récoltent des bons résultats. Le club de judo à Fermont, il est très jeune. Ça fait quoi, 3 ou 4 ans que ça existe, peut-être même un peu moins. puis déjà de voir qu'ils sont capables d'amener plus d'une dizaine de judokas dans des compétitions d'envergure comme celle-là, puis de récolter des bons résultats, ben c'est signe que ce sport-là est en santé chez nous. Le club qui fait très, très bien, puis les jeunes sont super bien entourés aussi avec des entraîneurs d'expérience, des entraîneurs qui ont fait du judo pendant toute leur jeunesse, qui sont des entraîneurs certifiés. Puis on a également des entraîneurs qui ont été formés sur place. Donc, ça se développe très, très bien. On peut dire que la vitalité du club de judo à Sermon est en super santé. Puis on en a eu une autre preuve avec cette compétition en fin de semaine. Oui, c'est toujours une fierté hein, quand des équipes sportives vont représenter la région un peu plus loin, c'est sûr. Oui, ben oui, tout à fait. Écoute, on est bien fiers de ça, on est bien fiers d'eux. Puis de voir que le club réussit à faire aussi bien avec si peu d'années d'existence, ben ça augure bien pour les prochaines années. Puis ça ne peut qu'être positif pour le développement du club, puis ça peut intéresser d'autres jeunes également à ce sport-là, mais ça va être tant mieux. Ça en inspire toujours, effectivement. Ouais. Alors, on parle de l'ouverture aussi des mises en candidature pour la 6e édition des Prix Distinction Fermon. Alors, dis-nous un petit peu de quoi il s'agit. Oui, écoute, les Prix Distinction Fermon, ça a été une initiative, en fait, qui a été établie par les conseils d'établissement de nos deux écoles ici, l'École des découvertes qui est l'école primaire et la polyvalente Horizon Blanc qui est l'école secondaire. Donc, les deux conseils d'établissement, à un moment donné, ont eu l'idée de souligner le parcours d'anciens Fermontois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Fermont, une fois le secondaire 5 terminé, il n'y a pas beaucoup d'options. Les jeunes doivent s'en aller, doivent aller étudier à l'extérieur. Il y en a qui reviennent, il y en a qui font leur vie à l'extérieur de Fermont puis qui réussissent bien dans toutes sortes de domaines. Donc, depuis quelques années, on souligne ce que ces gens-là font. Donc, ça va être la 6e édition cette année. Il y a 3 volets au prix Distinction Fermont et à chaque année, on souligne une personnalité fermontoise dans un volet. Tu sais, c'est pas 3 par année, c'est vraiment chaque année, on choisit un volet et on choisit là-dedans. Donc, cette année, c'est dans le domaine sportif. Donc, on va honorer un ancien fermontois ou une ancienne fermontoise qui a connu du succès, qui a su se démarquer dans le domaine sportif dans sa vie depuis qu'elle a terminé son secondaire. Donc, les mises en candidature sont ouvertes jusqu'au 8 mai et il y a un comité qui va étudier toutes les candidatures reçues pour déterminer finalement une personnalité qui peut-être réside encore à Fermont ou réside maintenant à l'extérieur, que ce soit ailleurs au Québec, même ailleurs au Canada, peut-être ailleurs dans le monde également. L'important, le critère important, c'est que ces gens-là aient fait au moins 3 années au secondaire à Fermont et d'avoir eu des unités, des crédits donc de 4e ou 5e secondaire. Alors, c'est le seul critère vraiment là-dedans. Bien sûr, il faut s'être démarqué, avoir fait preuve là de persévérance, de ténacité, d'endurance, de courage, ce genre de choses-là, au niveau des caractéristiques pour le volet de cette année, qui est le volet sportif. Donc, les mises en candidature sont ouvertes. Les gens peuvent soit eux-mêmes déposer leur candidature ou encore des gens peut-être qui voudraient déposer la candidature de quelqu'un qu'ils connaissent, qui est venu à l'école à Fermont, qui a gradué à Fermont, qui a bien réussi dans sa vie, qui a fait des choses remarquables. Donc, il y a une page Facebook pour tout ça, la page Facebook du Prix Distinction Fermont, il y a une adresse courriel qui est disponible là-dessus. Les mises en candidature sont ouvertes jusqu'au 8 mai, puis on a bien hâte de connaître quelle sera la personnalité honorée cette année. Il y a une belle plaque qui va lui être remise, il y a une plaque également qui va être installée à l'école. Donc, c'est une belle reconnaissance pour les gens là, qui sont venus à l'école, qui ont gradué ici, qui ont connu un beau parcours suite à tout ça. On parle de quel âge exactement alors? Ben écoute, il n'y a pas vraiment d'âge. En autant que ces gens-là soient venus à l'école ici, ça peut être des gens, mais tu sais, c'est sûr que ça fait pas la ville seulement 40 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas des gens qui sont rendus à 60, là, mais des gens qui ont gradué ici à l'âge de 17 ans, qui sont peut-être rendus justement dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Il n'y a pas d'âge de préciser, mais c'est vraiment là, il faut qu'ils soient venus à l'école ici, qu'ils aient au moins 3 ans au secondaire et qu'ils aient des crédits de secondaire 4 ou 5. Ça, c'est vraiment le critère le plus important pour les mises en candidature. En fait, je suis pas mal sûr que c'est le seul critère là, pour les mises en candidature. C'est sûr qu'il faut que ça coïncide avec le volet. Cette année, c'est le volet sportif. L'année prochaine, ça va être réalisation communautaire et culturelle. Et l'année d'après, ça va être pour une personne qui aura connu un parcours remarquable dans ses études. Quelqu'un, par exemple, qui aurait eu un doctorat dans une discipline quelconque pourrait être honoré à ce moment-là. Belle initiative en tout cas. Oui. On parle à l'échelle régionale alors d'une nouvelle plus insolite, une bière au crabe qui fait jaser. Oui, écoute, ça c'est du côté de Bécomont, la bière au crabe. C'est la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomont. C'est la deuxième année. L'année passée, c'était un projet qu'ils ont eu. Ils ont décidé de faire une bière au crabe. Et ils s'étaient dit, écoute, ça marche pas, c'est pas grave, on jettera ça aux poubelles, puis on mettra ça derrière nous. Alors, l'année passée, ils en avaient brassé 1000 litres seulement. Ça s'est vendu à la vitesse de l'éclair. Donc, cette année, les récidives, ils vont embrasser 4000 litres. C'est à la microbrasserie Saint-Pancras. C'est tout nouveau. Ça fait quelques années que c'est là seulement, la microbrasserie, et ils connaissent un grand succès. Donc, l'idée, c'est de brasser une bière au crabe. Ils font pas ça avec la chair de crabe. Ils font ça avec les carapaces de crabe. Donc, ils se sont associés... ils prennent vraiment les carapaces de crabe. Ils nettoient tout ça vraiment bien comme il faut pour vraiment garder seulement les carapaces. Puis, on fait mariner ces carapaces-là dans la mixture, finalement, qui va servir à faire la bière avant de la mettre dans la fermentation, finalement, juste avant l'étape de la fermentation, dans le brassin, dans le mou là, de houblon. On met les carapaces de crabe une trentaine de minutes là-dedans, le temps que ça macère un peu, que ça prenne le goût. Et après ça, on fait fermenter la bière dans le fermenteur, une quinzaine de jours, 15 à 20 jours, et puis la bière est prête. Ça a l'air qu'un petit goût salé. Moi, j'ai pas goûté encore. Ça a l'air qu'un petit goût salé, bien apprécié des amateurs. Un petit goût de mer, bien apprécié des amateurs. Écoute, ça fait jaser, ça fait parler partout. Il y a eu des articles dans les médias à Montréal, à Québec, au Nouveau-Brunswick, en France, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Ontario. On parle de cette bière-là. La Crowd Bitter, c'est ce qu'il s'appelle. Et puis, c'est disponible de façon saisonnière, si on veut, à la microbrasserie. Donc, ça vient seulement pour la mi-avril et on essaie de l'étirer jusqu'au mois de juin pour que les touristes puissent y goûter également. Donc, c'est une association avec une entreprise de pêche à Bécomo qui permet de récupérer les carcasses, les carapaces. En fin de semaine, entre autres, là, ils ont reçu 600 têtes de crabes que les employés ont nettoyées une par une pour s'assurer d'avoir juste la carapace pour mettre ça là-dedans. Il y a une association également avec une microbrasserie du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une recette de bière. Eux, ils avaient fait une bière au homard. On s'est inspiré un peu de la recette pour faire la bière au crabe à Bécomo. Il y a eu un article aussi. Ben, en fait, il va y avoir un article dans le magazine Ricardo du mois de mai qui va être consacré à cette bière-là. Ouais, donc c'est vraiment belle expansion. Ouais, ben exactement comme tu dis. Ça prend de l'ampleur. C'est une idée un peu folle qu'ils ont tenté l'année dernière. Puis comme ça a été le succès a été au rendez-vous, ben écoute, c'est quelque chose qui revient. Puis là, comme leurs bières sont maintenant vendues dans différents points de vente à travers la province, ben on va envoyer de cette bière-là embouteillée dans les points de vente. Donc je sais qu'à Québec, là, il y a plusieurs endroits où il y a des bières de microbrasserie. Je sais qu'il y en a certains où ils vendent la bière de la Saint-Pancras, donc peut-être que la Crowd Bitter verra fera son apparition sur les tablettes là-bas, là, je sais pas. Je sais pas combien ils vont en envoyer, où ils vont les envoyer, mais on va en embouteiller pour différents marchés au Québec, c'est certain. Donc, il faut guetter ça à partir de la fin avril, au mois de mai, à peu près? D'accord. Ouais, exactement. Ah bon, on va se noter ça en pense-bête pour aller chercher ça dans les dépanneurs ou n'importe où on peut trouver de la bière. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Carl Gagné-Côté, donc de CFMF. Je rappelle qu'on peut vous écouter, vous lire sur cfmf.ca, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller voir ça. Il y a plein de trucs disponibles là-dessus. Sur les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, on est bien actifs. Merci encore et on se retrouve lundi prochain pour d'autres actualités à Fermont. Excellent, Jessica. Bonne fin de journée. Bon après-midi à tous. 15h42 dans Stéréo Local. Dans quelques instants, on part à la découverte de la programmation du Carrefour international de théâtre. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 17h30. Vous le savez, bien sûr, c'est notre rendez-vous quotidien. Yeah. avant ton lit, je n'avais jamais mis le feu. Mais là, je sais, ah, là, je sais. Ariane Brunet avec Avant, extrait de son album Stella qu'elle nous a présenté la semaine dernière dans Stéréo Local. C'est en direct d'Annie Quasi-Saint-Jean. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, ça sera demain notre prochain rendez-vous dès 15h30. On parle maintenant du Carrefour International de Théâtre. La programmation de l'édition 2016 a été dévoilée ce matin en conférence de presse. Ça y est, on connaît l'étendue des spectacles. Déjà, pour tout vous dire, cette 17e édition se déroulera du 24 mai au 11 juin prochain. Et le conte va être à l'honneur dans toutes ses facettes. On est avec Marie Gignac, directrice artistique, pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, le conte, cette année, s'est imposé dans les spectacles qu'on voit dans cette programmation. Comment ça se fait? Est-ce que ça s'est imposé à vous, pour vous aussi? Ou est-ce que c'était la ligne directrice pour choisir les spectacles de cette année? Ah non, pas du tout. C'est une constatation que moi je fais a posteriori, après avoir choisi les spectacles. Moi je fonctionne, je vois beaucoup de spectacles, il y en a que j'aime à la folie, et j'essaie de les présenter pendant le festival, et une fois que la programmation est sur la table, là il y a j'analyse un peu ce qui est là, quelles sont les forces et les tendances, et il m'est apparu cette année qu'il y avait beaucoup de spectacles qui soit s'inspiraient de contes populaires ou de contes de fées qu'on connaît, ou étaient carrément des contes urbains, des contes modernes, des histoires qui des récits autobiographiques ou romanesques ou documentaires. Alors c'est ça, c'est le conte qui est un peu le fil rouge, mais évidemment le conte revisité, revampé et réinterprété par des créateurs contemporains. Sous toutes ces facettes et avec des distributions internationales, des productions internationales, c'est le cas du spectacle d'ouverture qui nous vient de Belgique, et c'est pas moins que Cendrillon qui va être revisité donc les 24, 25 et 26 mai au Théâtre de la Bordée. Oui, c'est une adaptation, une actualisation en fait du conte bien connu Cendrillon par un des plus grands auteurs et metteurs en scène actuels, qui lui est français, qui s'appelle Joël Pommerat, et il a travaillé à l'adaptation de ce conte donc au Théâtre National de la Communauté française de Belgique, le Théâtre National à Bruxelles. Donc avec une distribution qui est entièrement belge, c'est à la base, c'est vraiment le fil narratif de Cendrillon, avec la petite fille qui va vivre chez sa nouvelle belle-mère avec ses deux filles insupportables, et la fée, le bal, le prince, le soulier, tout ça, mais c'est vraiment dans un contexte contemporain, esthétiquement parlant, mais aussi sur le plan des mentalités, si on veut. On traite en fait de deuil, de résilience et de famille recomposée. Donc, ils ont un petit peu évacué la mièvrerie de l'histoire Walt Disney. Et c'est vraiment une histoire très contemporaine, très touchante et extrêmement drôle aussi, qui nous est racontée à travers le personnage de Cendrillon et ses sœurs. Et voilà. On voit que les thèmes, oui, choisis sont toujours aussi actuels de toute façon. Donc, je le rappelle, 24, 25, 26 mai au Théâtre de la Bordée. Un autre spectacle, peut-être dans un lieu auquel on ne s'attendait pas pour ce Carrefour international de théâtre, c'est le domaine Cataracuy, oui. Avec les affinités électives. Là, ça nous rappelle le domaine d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire... il y a un des spectacles dans le festival qui s'appelle Murmure des murs, qui est présenté en clôture du festival, où le personnage est une sorte d'Alice au pays des merveilles, mais le lien avec les affinités électives, c'est le nom du personnage, tout simplement. Il n'y a pas de lien thématique entre les deux spectacles. Le spectacle qui est présenté au domaine Cataracuy, c'est un solo, une femme qui est fortunée et qui est une amatrice d'œuvres d'art avec son mari, nous reçoit dans sa demeure pour prendre le thé, et on va présenter le spectacle dans une des salles du domaine, de la maison qui est sise dans le domaine Cataracuy. Mais il n'y a pas plus de lien avec Alice au Pays des Merveilles que ça. C'est seulement le prénom du personnage, en fait. C'est le domaine du thé. C'est un très beau texte d'un auteur américain qui s'appelle David Adjmi. Et c'est la première fois que ça sera traduit et donc joué en français. Et c'est une création, une mise en scène de Michel Nadeau. Et ce sera joué par la très charismatique comédienne Paul Savard. Dans le rôle d'Alice. Oui, c'est plus le domaine du thé qui m'avait fait penser à ça, puisque la fameuse scène du thé avec les personnages dans Alice. Mais effectivement, la femme n'a rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles, qu'on pourrait retrouver plus dans Murmure des Murs, d'ailleurs, vous l'avez mentionné, les 9, 10 et 11 juin au Théâtre de la Bordée pour ce spectacle. Où tu vas quand tu dors en marchant, toujours un très très fort succès. Vous allez rester dans le Vieux-Québec cette année. Oui. Quelles vont être la direction, quelle va être la direction pour cette année? C'est le même spectacle que l'année passée, en fait. C'est-à-dire, on est dans les mêmes lieux et avec les mêmes tableaux que l'an dernier, les mêmes concepteurs, donc les mêmes tableaux, les mêmes intervenants, les mêmes acteurs. On a pris l'habitude le spectacle est tellement populaire et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le voir la première année ou qui veulent le revoir ou qui ont pas pu le voir au complet ou qui voudraient y passer plus de temps. Donc on a pris l'habitude de répéter, de reprendre le spectacle toujours pour une deuxième année consécutive. Alors, c'est le même spectacle que l'année passée. Donc, entre Lilou des Palais, les nouvelles casernes et la cour de l'ancienne école Saint-Louis de Gonzague. Donc, 5 tableaux, les 5 mêmes concepteurs. Donc, les écornifleuses avec un tableau qui s'appelle Le Désordre, Machinerie de Pierre Robitaille et Van Ouaton, le duo Doyon-Rivet avec leur ciné-parc qui s'appelle Projection à court terme, Alexandre Fecteau dans la cour des Nouvelles Casernes avec un tableau qui s'appelle Fête et quoi, et l'orchestre d'homme orchestre avec le théâtre Rue d'Ingénierie dans l'îlot des Palais. Donc, cinq très beaux tableaux dans ce magnifique lieu, en fait, dont une grande partie appartient à Parc Canada. Dans le Vieux-Québec, donc. Donc, j'en déduis que ça n'a pas été difficile de reconvaincre les metteurs en scène de retravailler avec vous cette année. Donc, ça faisait partie de l'engagement, peut-être, déjà. Oui. D'accord. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on présente le même spectacle deux années de suite. Depuis, en fait, que le Où tu vas quand tu dors en marchant existe, on crée un spectacle tous les deux ans. Donc, chacun des spectacles est toujours reconduit automatiquement pour une deuxième année. Alors, si vous avez aimé l'année dernière ou si vous l'avez manqué, ça va être votre deuxième chance et dernière, finalement, pour aller voir Où tu vas quand tu dors en marchant déployé sur le Québec. Oui, et on créera un nouveau spectacle l'an prochain. Tout à fait. Alors, on suivra ça. D'autres spectacles aussi d'envergure internationale, puisque là, ils sont présentés, par exemple, dans leur langue d'origine. Je pense à Las Ideas de Federico Leone, qui nous vient de l'Argentine. Ça sera présenté à la caserne d'Alousie. Là aussi, un lieu peut-être plus atypique pour ce spectacle. Et ça sera présenté en espagnol, d'ailleurs. Oui, surtitré c'est en français. Spectacle donc qui nous vient de Buenos Aires. Federico Leone est un des chefs de file du théâtre indépendant à Buenos Aires. C'est un spectacle sur le processus de création en fait. On voit c'est comme si on assistait en direct à la construction d'un spectacle. C'est comme si ça se déroulé en temps réel devant nos yeux. Donc, deux collaborateurs, deux artistes de théâtre, Federico Leone lui-même avec un de ses collaborateurs, qui sont installés à leur table de travail avec leur ordinateur. Et cette table de travail est une table de ping-pong. Donc, métaphore évidente pour le brassage et le fait de se lancer et de se relancer la balle des idées, je dirais. Ils se lancent, ils explorent toutes sortes de pistes, ils fouillent ils naviguent sur Internet, ils fouillent dans la mémoire de leur ordinateur, ils essaient de, et le spectacle se construit comme ça devant nos yeux, et c'est tout à fait, il y a des moments absolument vertigineux, mais c'est très drôle aussi, et c'est un spectacle qui est tout à fait délicieux. Alors, ça fait partie des 11 spectacles que vous pourrez voir lors de ce Carrefour international de théâtre qui se tiendra du 24 mai au 11 juin prochain. Si vous voulez découvrir tous les autres spectacles, je les mentionnerai également pendant l'émission, mais si vous voulez les voir en détail, un seul site internet, www.carrefourtheatre.qc.ca. Marie Gignac, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'elle est directrice artistique du Carrefour international de théâtre. Mais je vous en parlerai plus amplement puisque, je l'ai dit, il y a quand même 11 spectacles à découvrir. Ça a été dévoilé tout juste aujourd'hui. Dans quelques instants, on parle du premier Fashion Truck qui sera inauguré demain sur la 3e avenue à Limoilou. CKRL 89.1. Au 16 avril prochain, les Nuits psychédéliques de Québec présentent le volume 3. 4 soirées de découverte musicale enlevante à la salle multi de Méduse. Sons, Solids, Jonathan Gatt, Sandvice, Les Indiens, The Sword et plusieurs autres. Projection spéciale par Mad Alchemy Liquid Show. Billets en vente au Knockout ou sur le point de vente. Consultez notre page Facebook pour connaître la programmation complète. Du 13 au 17 avril, dès midi, pour une troisième année, l'équipe des Bouquins d'abord vous prépare une quotidienne en direct du Salon international du Livre de Québec. Au programme, des entrevues d'auteurs avec, entre autres, Jean-Jacques Pelletier, Normand Baillargeon, Jemila Benhabib, Pascal Navarro et Louise Portal. Pour plus de détails, consultez la page Facebook des Bouquins d'abord et restez à l'écoute. Du 13 au 17 avril, le 9e art envahit la capitale. Spectacles, expositions, impro BD, animations, dessins en direct et plus de 120 auteurs du Québec et d'ailleurs à rencontrer. Découvrez toute la programmation du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec au fbdfq.com. Le 29e Festival de la BD francophone de Québec, le 9e art pour tous les goûts. Le pied bleu, bouchon québécois d'inspiration lyonnaise, c'est la cuisine traditionnelle française qui vous offre cochonaille, abats et tripes dans une formule gargantuesque. Le Renard et la Chouette, café et buvette, c'est une cuisine contemporaine suivant les saisons. Petits et gros plats à partager axés sur les légumes et les poissons. Deux lieux, même convivialité. Le Pied Bleu et le Renard et la Chouette, 179 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest. 88 914 35 54. Menu sur piedbleu.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. chichiocafé.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Pierre-Hervé Goulet avec Lila à CKRL 89.1. On passe encore 1h30 ensemble dans Stéréo Local, puisque je vous le rappelle, on est toujours à CKRL jusqu'à 17h30. On parle du premier fashion truck qui sera inauguré demain devant le bal du Lézard. Donc ça se passe à Limoilou, sur la 3e avenue. Un concept qui nous vient de Montréal, hein, au plus près de la province, et qui s'installe enfin à Québec. C'est Chantal Durette, designer de la collection Gaïa, qui a eu cette initiative. Le camion est déjà prêt et demain il sera prêt aussi à vous ouvrir ses portes. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors d'où vient l'idée de ce premier fashion truck? Quand je dis que ça vient de Montréal, est-ce que ça peut être une inspiration? Ça vient de Montréal, oui, il y en a déjà 4 camions là-bas. Moi, en voyageant, j'ai déjà vu des cafés, des food trucks, puis tout ça, puis ça m'a toujours inspirée. J'ai toujours trouvé ça trippant de voir des gens qui vivaient de leur passion puis qui pouvaient se déplacer en même temps. Donc les premiers camions sortaient à Montréal, et justement Alain Slate, propriétaire du Bal du Lézard, m'a parlé de ça, a vu l'article qu'il a fait. Waouh, c'est un projet génial, ce serait trippant pour tes vêtements. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais embarquer, puis on pourrait devenir partenaire, puis avoir le premier fashion truck de la ville de Québec? Donc moi, oui, j'ai sauté sur l'occasion. Wow. Ah oui, donc il t'a contacté en voyant que tu avais ce projet-là? Oui. Donc c'est quand même une belle chance, ça arrive pas tous les jours, ce genre de projet. Justement, je crois que Collection Gaïa n'a pas pignon sur rue, ou du moins il faut prendre rendez-vous pour pouvoir visiter la collection. Oui, en fait, moi je crée ma propre ligne qui est distribuée dans des boutiques. J'ai une vingtaine de points de vente au travers du Québec. Puis je fais beaucoup de salons, comme des salons des métiers d'art, des événements de rue aussi. Donc le camion va vraiment me permettre d'arriver quelque part et d'être déjà installée aussi, puis je serai plus comme sur le bord de la rue. Je vais être à l'abri des intempéries. Peu importe ce qui arrive, je vais toujours être bien installée. C'est ça qui est trippant. Oui, parce que le but, donc, comme tu me l'expliquais hors micro, tu es assujetti à la même réglementation des food trucks, parce qu'évidemment, tout le monde se demande, bah là, les food trucks sont pas légales à Québec, et là, on a un fashion truck. Mais l'idée, c'est de pouvoir te déplacer dans un premier temps, dans les événements, en fait, tout ce qui est festival ou des choses comme ça. Oui, exactement. Donc, le camion a 16 pieds de long, donc je peux pas installer ça n'importe où non plus. Donc, ça va vraiment être lors de manifestations culturelles ou d'événements spéciaux, là. Alors, premier événement, le festival Québec Mode, ça sera à la fin avril, si je me souviens bien. Oui, le 30 avril, je vais y faire un défilé aussi. Donc, le camion va être stationné devant l'espace 400e. Donc, 30 avril, mettez bien ça à l'agenda. Mais demain, déjà, on va pouvoir visiter le camion, on va pouvoir acheter des choses si ça nous plaît. Comment ça va se passer? Parce que c'est en formule 5 à 7. Hein? Oui, donc en formule 5 à 7, les gens viennent boire un verre, prendre une petite bouchée, puis ils vont pouvoir magasiner dans le camion directement aussi. Je représente ma compagnie de vêtements. J'ai une joaillière aussi. Les bijoux s'appellent Inchou Bijoux. J'ai des petites jupes de la compagnie Martine D, des vêtements de chez Marie-Osée et Escogriffe. Donc, je représente d'autres designers aussi. Qui font partie de cette collection ou qui ont leur propre marque? Qui ont leur propre collection. Moi, je vais les représenter. D'accord. Donc, on voit que c'est un projet aussi collaboratif avec d'autres designers. Parlons un petit peu de la collection Gaïa, justement, parce qu'elle a ses spécificités. On travaille à partir de matériaux recyclés? Oui, ça fait maintenant 12 ans que je travaille à faire ça. Donc, j'utilise des vieux vêtements que je découpe, puis je recrée en fait un tissu pour en fait, après ça, recréer un vêtement là, à partir de ces tissus-là. Donc, on a tout type de vêtements, autant des mitaines, des bas, des jupes, des écharpes, des tuques. Enfin, vraiment, on en a pour tous les goûts. Est-ce que l'été aussi, ça s'y prête? Parce qu'il y a beaucoup de laine quand même. Oui, il y a beaucoup de laine. Là, j'ai vraiment créé une petite collection pour le camion. Donc, j'ai des petits leggings trois quarts, des jupes, j'ai des pantalons capri, des robes. Puis, les designers des autres collections aussi vont combler les choses que je n'ai pas dans ma collection. Là. Donc, il va y avoir un grand choix, là. Ben oui, parce que justement, comme les festivals, c'est aussi propice à l'été. J'imagine qu'il faut élargir, faut répondre à cette demande-là à ce moment-là. On va pouvoir te voir aussi au festival Woodstock en Beauce. Oui, je vais être au festival Woodstock en Beauce du 30 juin au 3 juillet. Et ensuite, je vais me déplacer vers le Mondial des Cultures à Drummondville. Et je cherche d'autres événements là aussi à faire pour la saison estivale. Et le 20 mai aussi, à l'Ancienne Lorette, il y aura un premier événement food truck. Donc là, on va pouvoir voir le fashion truck avec les food trucks. J'imagine que ça va arriver assez souvent à terme. Oui, ben, j'aimerais bien. En fait, là, c'est le premier festival qui va avoir lieu à Québec pour les food trucks. J'ai pas encore beaucoup d'informations pour le moment parce que ça c'est en train de se préparer. Donc moi, je vais me joindre à eux. Et donc voilà, ça sera le 20 mai à l'ancienne Lorette que tu seras là. Ça a été quoi le plus difficile quand tu as eu ce projet? Parce que le camion, alors déjà, si vous voulez voir des photos sur Internet, je pense que vous pouvez taper premier fashion truck à Québec, vous allez tomber dessus. Il est vert et rose. L'idée des couleurs, qu'est-ce que tu voulais? Une image spécifique? Les couleurs, j'ai fait affaire avec Pierre Tardif, qui lui est spécialisé justement là dans la peinture auto, camion, dans toutes les choses qui sont rétro. Puis il m'a vraiment poussé d'aller vers le vert parce que c'est pour aller avec la griffe écologique. Puis c'est vraiment lui qui a poussé pour avoir aussi l'espèce de rose framboise. C'était là, tu vas avoir quelque chose que tout le monde va voir. Là, c'est ça qu'on veut. On veut un punch. Là. Ben oui. Oui, parce que le vert, ça peut se fondre dans le décor, alors que là, avec le rose, on sait où on va. Et le logo du Bal du Lézard bien présent, puisque c'est un partenaire à long terme? Oui, en fait, c'est Alain qui m'a fourni le financement là, pour que je puisse démarrer le camion. Parce que c'est une belle idée, mais il faut aussi des sous pour monter le projet. Là. Ça représente un investissement d'à peu près combien d'avoir un camion comme ça pour en inspirer d'autres, justement? En fait, j'ai été chanceuse parce que mon frère a tout rénové et charpentier menuisier, donc il m'a aidé à tout faire l'intérieur. Donc, j'ai juste eu à acheter les matériaux, mais ça peut aller jusqu'à 20 000 $ là, si on va avoir un beau camion. Là. Donc, après, pouvoir le rentabiliser en étant présent sur tous ces événements, c'est beaucoup de travail. Oui, en fait, là, à 20 000 $ on parle juste du camion en tant que tel. On ne parle pas de tout l'inventaire qu'on a à mettre dedans, puis ni de payer pour faire des festivals. Oui, il faut payer sa place quand même. C'est pas parce qu'on a un camion qu'on est exempté pour autant. Mais pourquoi cette tournée justement vers le camion alors que tu aurais eu la possibilité peut-être d'avoir un local? Parce qu'on parle quand même d'investissement dans tous les cas. Oui, en fait, j'ai jamais voulu avoir de boutique à moi parce que ça m'enlève beaucoup de temps pour créer les vêtements. Donc, j'en ai eu une vraiment quand j'ai commencé, puis après un an, j'ai fermé la boutique. Donc, j'arrivais plus à créer. Je finissais par nettoyer le magasin, faire de l'entretien, mais ça me bloquait beaucoup là-dedans. Donc, avec le camion, c'est vraiment ponctuel. Je peux décider, telle date, je vais avoir du temps, je vais y aller, puis organiser ma production en conséquence. Oui, parce qu'on est sur l'événementiel. Et voilà. Mais si, quand? Parce qu'on espère quand même que ça va être réglementé un jour, légalisé, les food trucks à Québec. Là, tu vas pouvoir avoir un moment plus, établi avec ce camion. Oui, mais j'espère aussi que les gens qui vont en avoir d'autres à Québec, qu'on va pouvoir créer justement une petite communauté, puis qu'on va pouvoir avoir notre espace à nous pour pouvoir nous stationner, puis justement avoir... moi, je vois rester sur... Le boulevard Champlain, on pourrait s'installer peut-être 3, 4 ou 5 camions. Ça pourrait être génial. Là. Oui, il y a de l'espace. Il y a de l'espace dans la ville. Là. Au moins. Et puis, le problème de stationnement, comme on disait. Oui. Donc, le camion va te permettre de faire des événements ponctuellement. Est-ce que l'hiver, c'est aussi envisageable? Non, l'hiver, je vais m'en servir justement quand je fais des événements dans les salons des métiers d'art pour transporter... Le matériel. Le matériel. Il y a assez de place. Oui. C'est l'avantage. collectiongaia.com, si vous voulez aller voir ça. Gaïa, ça s'écrit G-A-I-A. Ça vient du nom de la mère Terre, c'est ça, Gaïa? Oui. C'est ce que ça représente. On repense au recyclage et à la récupération, bien sûr, avec ce nom-là. Elle est aussi présente sur Facebook, donc Collection Gaïa, tout simplement, pour cette page. Merci beaucoup, Chantelle Durette, d'être venue nous voir. Ben, merci beaucoup. Et donc, très bonne inauguration demain. Faites votre tour. C'est sur la 3e avenue, juste en face du Bal du Lézard. Dans quelques instants, on parlera avec Raymond Poirier pour les technologies d'information. Comme un tourne-disque, c'est beaucoup mieux que mon arbalète, et tellement moins triste. Je me griffonne. sali tous nos plus beaux dessins. On a hurlé des chaudières d'encre noire sur le bonheur. J'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens. Un calorifère pour pouvoir gonfler de chaleur notre monde fier. Je me sers de l'empreinte de mes mains comme une couverture qui apaisera le chagrin, les blessures, parce qu'on s'écrit des mots qui ont sali tous nos plus beaux dessins. On a hurlé des chaudières d'encre noire sur le bonheur. Mais ce tableau représentera le mois de demain. Un robot qui nous aidera à remonter les heures. Je t'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens. La tête de toi, et mes mains si tu reviens. Des yeux enchantés redorés. Et mes mains si tu reviens. Et le cœur en fleur. Et mes mains si tu reviens. Et des mains pour te consoler. Dans mes mains si tu C'était une jeune fille qui voulait faire moudre son grain tigadin. C'était une jeune fille qui voulait faire moudre son grain tigadin. Elle prit son sac à moudre et elle s'en va au moulin. Tigadin, Canada tourna. Oh oui, l'enfile l'enfant, tout si tout ça, titatidalili, la ratitalila. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Son sac à moudre, et elle s'en va au moulin tigadin. Elle prit son sac à moudre, elle s'en va au moulin tigadin. Beau meunier, voudras-tu moudre mon grain tigadin, Canada tourna. Oh oui, l'enfant, l'enfant, tout si tout ça, stadilalilalatitalilam. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Voudrais-tu bout de mon grain tigadin? Beau meunier, voudrais-tu bout de mon grain tigadin? La belle s'est endormie sur le tic-tac du moulin. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, Canada tourna. Oh oui, l'envie d'enfant, tout c'est tout ça. Tita-di-di-di-la-la-tita-di-lam. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. La belle s'est endormie sur le tic-tac du moulin tic-tac. Quand elle s'est réveillée, son petit sac était plein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, Canada tourna. Oh oui, en file en vent, tout si tout ça, tout à tout à la. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Quand elle s'est réveillée, son petit sac était plein de skidin. Tiquetin, Canada tourna. Oh oui, en pile en vent, tout si tout ça, tout à tout à l'île, à la tout à l'île. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Oh, que va dire ma mère de voir mon petit sac plein de tiquetin? Oh, que va dire ma mère de voir mon petit. Tu diras à ta mère que c'est du sarrasin, tic-tic-tic-tic-tic-tic, Canada tourna. Oh oui, l'enfant, l'enfant, tout c'est doux ça, c'est-à-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil-dil. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Nous sommes en train de moudre, nous sommes en train de moudre. Yves Lambert et So Cold pour Canada tourna à CKRL 89.1. On continue à découvrir cette programmation du Carrefour international de théâtre. Ça a été dévoilé aujourd'hui même, ce matin très exactement, en conférence de presse. Et ça y est, on connaît l'étendue des spectacles. Il y en a 11 au total que vous pourrez découvrir. On en parlait tantôt avec Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour, pour quelques spectacles. On n'a pas eu le temps de parler des 11, donc je vais juste en détailler certains autres pour vous. Il y aura Straight Jacket Winter qui va nous être présenté par deux créateurs de Vancouver. C'est en janvier 2011 que ce couple a fait la traversée du Canada pour aller s'établir à Vancouver, justement. Et bien, ils se sont retrouvés confrontés à la difficulté de s'intégrer, notamment à cause de l'hiver gris, long, pluvieux, qui a exacerbé ce sentiment d'isolement. Alors, un spectacle teinté d'humour lors de cette aventure vers la côte ouest. On parle d'identité, de relations de couple et du rapport au monde. Ça sera présenté les 27, 28 et 29 mai au Théâtre Périscope et ça sera en français. On continue avec un autre spectacle au Théâtre des Gros Becs. Cette fois, Ils étaient quatre, la suite de trois, puisque c'est une trilogie qui traite de la quête identitaire culturelle de Mani Soleil Manlou. On va découvrir ce spectacle qui explore la condition masculine chez les trentenaires d'aujourd'hui. Alors, tous les thèmes incontournable du théâtre y passe: l'amour, le couple, la famille, la réussite, l'argent, la pression de la performance. Ça dure une heure et apparemment il y a beaucoup beaucoup d'humour dans ce spectacle. Ça sera présenté les 28, 29, 30 mai au théâtre Les Gros Becs. On continue avec un autre événement qui va nous faire danser. C'est le pari pour ce Parisien, Jérôme Bell, qui présentera Gala. C'est un spectacle qui fait le tour du monde, mais qui aura une distribution québécoise. On s'inspire des spectacles de fin d'année donnés dans les écoles. Et le but, c'est de recréer un spectacle différent dans chacune des villes où Gala est présenté. Alors, sur scène, on retrouve une quinzaine de danseurs amateurs et professionnels, tous d'horizons très différents. Et on les rassemble le temps du spectacle, mais ce qui va les réunir, c'est vraiment la danse, l'acte de danser précisément. Ça sera présenté les 31 mai et 1er juin au Théâtre de la Bordée. Voilà pour cette série de spectacles. Je vous parle aussi de Peep Show, qui sera présenté par une artiste de Montréal, c'est Marie Brassard très exactement, qui s'est inspirée du Petit Chaperon Rouge. C'est indiqué en tête de communiqué. Après cette grande sélection de spectacles, on se rend compte que le thème universel de ces spectacles, c'est le conte, alors qu'on s'en inspire directement ou que ça soit sous-entendu. Alors là, dans Peep Show, on est vraiment dans l'inspiration du Petit Chaperon Rouge qui n'aurait pas peur du loup. Donc on part vraiment vraiment dans une autre direction de ce conte. C'est construit comme une mosaïque de récits où chaque fragment est une vision brève d'un désir, d'une pulsion, d'un tabou, d'où son titre. Le spectacle déroute, envoûte, hypnotise, nous dit le communiqué de presse. Alors c'est déconseillé aux moins de 16 ans, donc ça risque d'être un peu cru pour ce spectacle. Ça sera présenté les 1er et 2 juin au Grand Théâtre de Québec, salle Octave Crémazie. Il y a également un autre spectacle, il y a beaucoup de venues internationales au Carrefour International de Théâtre, hein. Tout est dans le titre forcément. On a parlé d'un spectacle en espagnol tantôt. Je vous parle maintenant d'un spectacle qui nous vient d'Italie, deux spectacles très exactement. Alors, Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni. Vous retenez l'accent italien appris un peu plus jeune. En tout cas, pour ce spectacle qui veut dire nous partons pour ne pas vous donner d'autres soucis, eh bien c'est une phrase extraite d'une lettre laissée par 4 retraités grecs sans enfants et sans chien, nous dit-on, qui en plein cœur de la crise économiques ont tout perdu. Eh bien, ils ont non seulement tout perdu, mais ils se sont enlevés la vie. Ça promet d'être poignant. Et on a un autre spectacle italien, Reality, qui lui est inspiré d'un reportage journalistique à propos d'une Polonaise qui a noté minutieusement pendant plus de 50 ans toutes les données factuelles de sa vie. Alors, parmi ces thèmes, vous l'aurez compris, la vieillesse, la mort, qui seront au centre de ces pièces. Et eh bien, ça sera quand même traité avec beaucoup de simplicité et de légèreté, nous dit-on, de façon ludique avec beaucoup d'humour. Alors ça risque de nous surprendre, effectivement, les 2 et 4 juin pour Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni. Je vous laisse retrouver le titre sur internet. Et les 3 et 4 juin, on aura Reality, beaucoup plus simple. Ça sera présenté en italien, ça sera surtitré en français dans les deux cas. Alors, vous vous demandez peut-être comment vous procurer les billets. Alors, il y a un seul site internet, comme je vous le disais, carrefourinternational.qc.ca, avec le 3W juste avant. Et après, il y a plusieurs tarifs. Il y a des tarifs en prévente. D'ailleurs, la prévente commence dès demain jusqu'au 30 avril, où vous pouvez vous procurer 3 spectacles choix, 6 spectacles choix, ou carrément l'abonnement 11 spectacles. Pour vous donner une idée, c'est au coût de $330 en prévente. Ça sera non disponible d'ailleurs hors de la prévente, donc je vous conseille de vous le procurer dès maintenant, bien sûr, si vous êtes intéressé. Et la vente, elle, aura lieu du 1er mai au 11 juin, donc 11 juin, dernière date du Carrefour International de Théâtre, hein, la date de clôture, bien sûr. Et là, vous pouvez vous procurer juste les 3 spectacles sinon ça sera à l'unité. D'ailleurs, il y a un prix unique qui est instauré cette année, c'est $48, taxes incluses, plus frais de service pour tous ces spectacles, exception faite pour des programmes doubles. Alors, comme le programme double sur les spectacles italiens, là, on a un tarif à $80 plus frais de service. Il y a aussi cette possibilité de faire découvrir le théâtre à des plus jeunes. Alors, Je t'emmène au théâtre est un forfait qui vous permet d'inviter un jeune de 25 ans et moins et d'obtenir un second billet à 50% de rabais. Ça vaut la peine. Et on a la même chose avec un jeune de 12 ans et moins pour Cendrillon et ou Murmure des murs, c'est l'autre spectacle, et vous obtenez aussi un 50% de rabais. Donc voilà, plusieurs offres à découvrir. Je vous rappelle également que Où tu vas quand tu dors en marchant, lui, est présenté gratuitement dans le Vieux-Québec pour plusieurs fins de semaine. Et il y a toujours l'offre Resto-Théâtre qui est valide et qui fait toujours beaucoup de succès auprès des restaurateurs, forcément, puisque le Carrefour s'associe à plusieurs restaurateurs dans Saint-Roch, Saint-Sauveur et dans le Vieux-Québec. Pour vous donner une idée, le 2-22 chez Victor, Saint-Paul, Grindel, La Cuisine, La Corrigane, et j'en passe. Et là, vous obtenez un 10 à 15% de rabais en présentant un billet de spectacle du Carrefour. Donc, ça vaut vraiment la peine de profiter de ces tarifs. Je rappelle que la prévente s'étend jusqu'au 30 avril prochain. Et après, la vente démarrera le 1er mai. Mais c'est évidemment un petit peu moins avantageux d'attendre la vente, surtout si on veut consommer beaucoup de spectacles. C'est l'occasion. Il y a de très belles venues cette année. Dans quelques instants, Raymond Poirier sera avec nous. Alors restez avec nous parce que Stéréo Local, ça se poursuit jusqu'à 17h30. C'est Jessica Leb au micro pour vous accompagner. CKRL 89.1. Hey Tania, j'aimerais ça faire la radio à CKRL. Jean-Michel, t'en fais déjà? Tu fais plein de voix de pub pour nous autres. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, j'aimerais ça faire une émission. Ah, mais ça tombe bien, on est en période de recrutement pour la saison d'été. Tu vas sur notre site, il y a une section « Proposer une émission », tu remplis le formulaire. OK, puis j'ai jusqu'à quand? Jusqu'au 1er mai. Merci. Mais là, Veux-tu vraiment faire de la radio ou c'est juste une mise en scène pour la pub? Ouais, c'est ça, c'est juste la mise en scène que tu m'as demandé de faire pour la pub. Ah. Regarde! Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRL? De partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été. En fermeture du Festival de la BD francophone de Québec, l'Harmonie de Charlebourg sous la direction de François Dorion vous invite au concert dessiné « Les fantastiques aventures du Baron de Munchausen ». Venez voir les dessinatrices Catherine Lemieux et Valmot faire vivre en illustration les péripéties rocambolesques du Baron et entendre une cinquantaine de musiciens sur scène. À cette occasion, l'Harmonie de Charlebourg remettra une bourse pour la relève musicale aux deux lauréats de son concours. Les fantastiques aventures du Baron de Munchausen en concert dessiné le 17 avril à 15h à la salle Octave Crémazy du Grand Théâtre de Québec. Informez-vous sur harmoniedecharlebourg.ca et sur notre page Facebook. À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle. Tout le monde connaît les ploufs parce qu'ils ont été adaptés à la radio, à la télévision, au cinéma. L'été classique. Agaguc, Ticoc et les ploufs. Si tout le monde connaît les ploufs, il faut pas oublier que Roger Lemelin, lui-même, c'était une star dans le temps. Un vrai Xavier Dolan de son temps. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Mais les ploufs, c'est qui au juste? Vous aimez les romans historiques, lui préfère la science-fiction, alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise, et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées, le Salon international du livre de Québec saura tous vous contenter. Avec plus de 1300 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'Alama Bancou, du 13 au 17 avril au Centre des congrès de Québec. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 $ de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Ma Solution Québec au Centre médical Mayou, 1900 Avenue Mayou. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bon après-midi, Jessica Leb au micro de CKRL 89.1, stéréo local se poursuit jusqu'à 17h30 et à cette heure-ci, le lundi, on retrouve Raymond Poirier pour sa chronique technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. À distance aujourd'hui, mais on parle de ville intelligente. Exactement, thématique en fait un peu un brin incontournable sur laquelle d'ailleurs on va revenir aussi la semaine prochaine. Pour le contexte de la chronique de cette semaine, en fait, il y avait beaucoup d'événements à Semaine numérique à Québec. On y reviendra aussi sûrement, oui. Parce que ça bouille d'idées, de réflexions, c'est le genre de chronique qui et de conférences qui allument beaucoup de sujets. Et entre autres choses, mais j'ai eu l'occasion d'assister à un panel où il y avait des représentants de différentes villes, en fait Namur en Belgique, Rennes et Nantes du côté de la France, Québec évidemment, également un chercheur universitaire. Donc sur les questions de la ville intelligente, je trouvais ça intéressant de voir et de mettre en parallèle au bout du compte les philosophies de chacune de ces villes-là en lien justement avec la mise en place de solutions qui vont les amener éventuellement vers l'intelligence. Ben justement, commençons par Namur en Belgique. Comment elle se définit cette ville intelligente? C'est beaucoup, en fait, l'idée de la gouvernance, l'idée du service aux citoyens. En fait, Namur, c'est une ville qui est relativement petite, en fait, comparativement peut-être à d'autres villes beaucoup plus imposantes, qu'on pense à Lyon, bon, Paris, évidemment, qui est une mégalopole. Donc, si c'est une ville de taille, disons, moyenne. Et l'idée, c'est d'essayer de voir de quelle manière on peut venir répondre le plus adéquatement possible aux besoins qui sont exprimés par la population. Et ce qu'on dit, c'est qu'on n'essaie pas d'appliquer des solutions de ville intelligente à proprement parler, mais simplement, d'une certaine manière, des solutions intelligentes, dans la mesure où il faut pas être le moteur pour eux de la technologie, mais plutôt que la technologie soit au service des besoins qui sont exprimés, des solutions qui doivent être mises en œuvre. Et dans ce sens-là, ben, on dit, regardez aussi, il n'y a pas de solution unique. Donc, nous, ce qu'on applique à Namur n'est pas nécessairement applicable à Québec, pas nécessairement applicable dans des villes de plus grande taille non plus. Et c'est pas comme ça non plus qu'on l'envisage. Donc, nous, évidemment, on observe ce qui se passe dans d'autres villes, mais on garde en tête que Namur a ses réalités. Et c'est à ces réalités-là qu'on cherche à répondre le plus adéquatement possible. Ensuite, on parle aussi, évidemment, de l'influence, de l'impact du positionnement des acteurs, dans la mesure où, par exemple, on dit, regardez, oui, il faut que le politique soit actif, mais c'est d'abord et avant tout pour les citoyens, c'est d'abord et avant tout pour faciliter peut-être aussi le contact entre les élus et les citoyens, qui est une recherche de dialogue. Et à travers cette recherche-là, c'est une formule que j'ai trouvée intéressante. Il disait, regardez, il faut quand même aussi garder en tête que, bon, on a justement des citoyens, on a une dynamique qui est assez variable, qui est unique. Mais dans tout ça, il faut garder en tête que la ville, c'est imparfait. Par définition, en fait, que ça peut jamais fonctionner parfaitement parce que on gère des humains. Et des humains, ben, la nature de l'humain, c'est d'être imparfait. On cherche à être parfait, mais on ne l'est jamais exactement. Et donc, il dit, regardez, dans ce contexte-là, faut pas essayer de prétendre qu'on va éventuellement gérer une perfection ou d'amener une perfection à travers la technologie, mais qu'il faut simplement collaborer pour tendre vers des solutions plus pratiques, mais sans nécessairement chercher à faire toujours excessivement mieux, si on peut dire, mais de simplement agir au bout du compte. Et qu'en est-il pour Rennes en France? Est-ce que c'est la même approche? Oui, en fait, de manière générale, et c'est quelque chose qui est ressorti d'ailleurs avec tous les panélistes, c'est l'idée de la relation avec le citoyen. Et je pense que ça revient souvent aussi à chaque fois qu'on parle de ville intelligente, donc où on nous dit toujours, ben, regardez, le citoyen est au cœur de nos solutions, est au cœur de nos approches, et c'est ça qui domine nos préoccupations. Au niveau de Rennes, en fait, on a semblé beaucoup parler d'aménagement, notamment bon, d'aménagement énergétique, donc les smart grids, par exemple, pour essayer de diminuer l'influence des lots de chaleur, essayer d'augmenter aussi la place d'agriculture en ville. Donc, tout à l'heure, quand à Namur, on disait, ben, regardez, c'est pas la technologie à tout prix, l'intelligence, c'est l'intelligence d'abord. Et bien, dans ce cas-ci, on dit, regardez, on a des îlots de chaleur. Bon, évidemment, il y a des approches technologiques à travers la gestion énergétique qui peuvent être mises en place, mais également l'idée des jardins urbains, mais c'est pas technologique. Donc, c'est de revenir aussi à l'idée que la ville intelligente n'est pas que technologie, n'est pas que numérique. Donc, il y a vraiment un axe fort d'aménagement qui a été mis de l'avant du côté de Rennes. L'idée aussi, évidemment, d'optimiser l'usage des équipements, des flux également à l'intérieur de la ville. Donc, de dire, regardez comment on peut mieux utiliser notre métro. Il faut dire que c'est une des villes de cette taille-là qui a un métro. C'est assez rare, de manière générale. Donc, comment on peut mieux l'utiliser, comment on peut faciliter l'usage de ces lieux-là. Et parallèlement, et c'est l'autre angle qui est mis de l'avant, donc l'idée, la dimension sociale, en fait, donc encore là, on revient à notre citoyen, donc de dire, ben ok, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses besoins, comment peut-on l'amener à mieux les communiquer, et comment peut-on mieux amener à résoudre ces problèmes-là également. Alors, ils ont sondé la population, c'est beaucoup des thématiques liées au transport qui ont été mis de l'avant, tout particulièrement. Alors, donc, outre le métro, on parle d'autopartage, on parle de vélo libre-service, etc. Donc, d'utiliser, au fond, l'intelligence pour construire la ville à l'image des attentes des citoyens dans une perspective de développement durable aussi, là, évidemment. Et qu'en est-il de Québec, justement, par rapport à ces deux villes européennes? Mais en fait, c'est encore là, de leur côté, on dit, regardez, il faut faire des choix aussi. Il faut déterminer les priorités. Alors, l'idée, c'est, on est face à une ville perfectible, de certaine manière, et c'est pas à travers la technologie, donc encore là, un discours similaire, qu'on va rendre la ville meilleure, mais c'est à travers une utilisation intelligente des technologies. Et cette utilisation intelligente-là est aussi liée à des choix, à des décisions qu'on va prendre. Mais en même temps, l'idée de transformer notre ville, d'innover, au bout du compte, ben, c'est aussi de prendre des risques. Alors, il faut assumer des décisions qu'on a prises et les pousser, qui quitte à changer peut-être un peu même les manières de faire à l'intérieur même de l'appareil municipal. C'est l'exemple, par exemple, d'application copilote où on est sorti un peu du cadre habituel d'innovation dans le contexte de l'administration municipale pour créer une application qui finalement rejoint, selon la ville et selon le nombre de téléchargements aussi, je pense qu'on est au-dessus de 50 000 téléchargements, ce qui est très bon pour la première année d'utilisation. Dans le fond, on répond à des besoins, on fait de l'éducation à travers tout ça. Et dans ces choix-là, la Ville de Québec dit, regardez, nous, on a fait le choix de 6 axes. Donc, les services aux citoyens, la gestion des eaux, la sécurité, les infrastructures, les transports, le développement économique. Et c'est autour de ces 6 axes-là qu'on pousse tout particulièrement, avec évidemment les services aux citoyens, qui est peut-être la partie dont nous, ici à Québec, on a eu le plus de contacts. Alors, donc, c'est un défi pour eux, évidemment, qu'ils mettent en place tranquillement, pour faire différemment. Ça, c'est peut-être l'autre élément aussi qu'on retient. Donc, l'idée d'intelligence pour faire différent, pour amener des nouvelles approches, pour amener aussi des approches de collaboration. Donc, l'idée de pouvoir profiter des expertises qui sont développées dans d'autres villes, mais aussi de pouvoir profiter de l'expertise citoyenne à travers des données ouvertes, entre autres. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est revenu chez les différents intervenants. Et on parle des entreprises également. Il y a Électricité de France qui est intervenue dans ce panel. Oui, en fait, c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Évidemment, c'est une entreprise d'électricité à caractère un vrai public aussi. Et eux disaient, nous, justement, notre manière d'intégrer l'intelligence, c'est d'abord et avant tout dans une approche collaborative. Donc, évidemment, c'est d'améliorer nos services, d'être disponible 7 jours sur 7, de pouvoir fournir aux usagers un compte pratiquement horaire de l'utilisation d'électricité qui est faite. Mais c'est aussi des nouvelles manières de collaborer avec les consommateurs, de collaborer avec les municipalités. Exemple, en rendant public certaines informations, en facilitant le transit d'informations aussi pour permettre une gestion énergétique peut-être un peu plus intelligente. Et eux aussi, en ayant bien conscience que ils sont porteurs de beaucoup de possibles, les données qu'ils ont, qu'ils recueillent au niveau de la consommation énergétique, on parle de données massives, on en parle sporadiquement, eh bien, évidemment, ça a un vif potentiel aussi pour les administrations publiques, entre autres. Alors, c'est vraiment ce qui est ressorti, donc, l'idée de collaboration de leur côté. Et le point de vue maintenant du chercheur de l'Université Laval? Stéphane Roche, du département de sciences géomatiques, lui a essayé de mettre en perspective un peu tous ces éléments-là. Alors lui, il a remarqué qu'on cherchait beaucoup à agir sur des réseaux, sur des ensembles de lieux. Question de mettre en contact, de mettre en relation ces lieux-là. Donc une question de mobilité, de déplacement, évidemment, puis une question d'appropriation aussi par les citoyens de leur habitat, qui peut être favorisée parce que les technologies permettent un engagement plus accentué, permettent un regard plus actif aussi des citoyens sur leur gouvernance municipale, ce qui n'était pas possible avant le numérique, en fait. Et c'est ce changement culturel-là que lui, évidemment, remarque. Donc, il y a question, évidemment, de l'intermobilité, de l'intermodalité aussi, qui reste un défi, donc, de réussir à créer des canaux de communication entre les villes. Il dit que c'est pas nécessairement gagné. Il donne l'exemple, entre autres, à Québec, de la Société de transport de Lévis et du RTC, pour lesquels il n'y a pas d'intermodalité possible, alors que à tout le moins, à travers des outils numériques, des abonnements, il serait possibilité de faire la jonction de ces services-là. Et voilà un exemple pratico-pratique des défis qu'il y a de lier aussi des administrations municipales et que le numérique n'est pas nécessairement, en fait, est porteur, mais est porteur seulement s'il y a une volonté de collaborer, s'il y a une capacité de collaborer. Évidemment, à travers tout ça. Et en parallèle, il dit, regardez, on l'a vu aussi, nous, dans cette énumération-là, que tout ça est au service de l'amélioration du cadre de vie des citoyens et du cadre de vie de l'individu autant que de sa collectivité. Donc, on parle vraiment de l'individuel, donc moi comme citoyen, mais aussi nous comme communauté, comment on peut être dans un contexte plus favorable au bout du compte. Donc, c'est pour lui autant un moment d'opportunité important, mais aussi un moment qui amène un lot de défis qui sont pas nécessairement si évidents que ça à relever. Bien, merci beaucoup Raymond Poirier donc pour ce point sur ce panel qui s'est tenu mercredi dernier dans le cadre de la semaine numérique à Québec. Et on se retrouve lundi prochain. Oui. Merci Raymond. Dans quelques instants, on passe côté bande dessinée avec ce festival de la bande dessinée francophone à Québec qui démarre. Eh bien aujourd'hui, coup d'envoi avec le 5 à 7 dont on vous a déjà parlé, spécial micro-brasserie par l'équipe de Ça goûte bon. Également planche d'histoire qui sera présentée juste après avec la petite histoire de brasseur. Alors quand on allie bande dessinée Et histoire de la bière, ça donne de sacrés mélanges, j'en suis sûre, si vous avez la chance d'y aller. Mais on parle d'un autre événement dans quelques instants. Alors restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 17h30. On fait une petite pause dès maintenant avec Crying Shame de Bellflower. For sorrow, no room for pain. Our screams, they haunt me again and again. It's such a crying shame. Bellflower avec Crying Shame à CKRL. On va parler bande dessinée maintenant puisque le festival de la bande dessinée francophone de Québec démarre aujourd'hui et ce pour une semaine, toute une panoplie d'activités qu'on vous a déjà présentées justement avec Raymond Poirier et son autre chapeau pour Parenthèse 9. On va parcourir quelques événements, quelques coups de cœur que j'ai eu dans la programmation. Aujourd'hui, je vous présente le Lab Dessiné, l'orchestre des dessinateurs. Alors oui, les dessinateurs vont être tels des musiciens devant un chef d'orchestre. C'est la soirée qu'on nous propose ce mercredi 13 avril dès 19h à la Maison de la Littérature. Et je suis avec le chef d'orchestre d'un soir, Francis Desharnais. Bonjour. Bonjour. Et j'ai également Julien Paré-Sorel qui est avec nous, qui sera parmi les 9 dessinateurs qui vont improviser ce soir-là. Bonjour Julien. Bonjour. Alors déjà, qui a eu l'idée de ce concept complètement farfelu? En fait... À parenthèse 9, on a, parce que je fais aussi partie de cet organisme-là, on avait l'idée un peu de pousser l'impro BD un peu vers d'autres horizons, si on veut, parce que des fois en impro BD, on n'a pas souvent le temps de réfléchir aux concepts qu'on veut amener, et des fois on aura envie d'essayer des trucs, mais on peut pas parce que la forme est un peu trop cadrée, je dirais. Alors on a démarrer les labs dessinés à la Maison de la littérature pour justement explorer d'autres choses. On en a déjà fait un avec un réalisateur de cinéma qui s'amusait à jouer avec la caméra puis avec les dessins. On l'a fait avec où les musiciens étaient les chefs de l'événement. C'était eux qui nous imposaient quoi faire. Et puis là, on s'est dit, ah, ça serait bien de faire un peu comme de l'impro BD, mais avec 9 dessinateurs, avec que des dessinateurs. Et puis, il y aurait une personne, bon, à ce moment-là, ce sera moi, qui dirigerait les dessins, qui dirigerait peut-être un peu les narrations, s'il y en a, ou qui donnerait à faire des types d'exercices, tout ça. Donc, c'est un peu ça qui nous a motivés là, dans cet événement-là. Julien, toi, pourquoi avoir accepté un tel défi? Tu m'as dit que tu étais déjà un habitué de l'impro BD. Oui, j'ai fait quelques matchs à Québec, notamment avec Francis. Puis depuis 2 ans, j'en fais à Montréal dans différents contextes. Donc oui, moi, pourquoi j'ai accepté? Ben, parce que je suis un peu fou. Puis j'ai envie d'explorer parce que c'est vrai, comme Francis l'a si bien dit, ben, dans le contexte de l'impro BD, on a place exploration, mais... là, s'il y a un terrain de sable, un terrain de jeu qui est créé pour nous permettre d'essayer toutes sortes de formes, tant au niveau du dessin que du rythme, que des contraintes, moi, j'ai bien hâte de voir ce que Francis va nous donner comme défi. Moi, personnellement, je m'attends à tout. Donc, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Ben Francis, est-ce que là, à l'heure où on se parle, ça y est, toutes les idées sont réunies, tu sais un petit peu comment va se dérouler la soirée finalement? Oui, on a des idées qu'on va lancer. Ça demeure une formule laboratoire, alors on peut se planter, on s'est dit qu'on pouvait se le permettre, mais ça arrive quand même pas souvent, puis ça arrive pas pendant toute la soirée non plus. Donc, on a quand même des pistes assez fiables qui devraient nous donner des résultats intéressants. En fait, on veut faire beaucoup des parallèles justement avec les orchestres. Les orchestres symphoniques, où il pourrait y avoir l'équivalent d'une section à cordes, de cordes, d'une section rythmique, d'une section de cuivre. Après ça, il y a les big bands aussi de jazz et qui souvent vont interpréter des standards. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter? Qu'est-ce qu'un standard en bande dessinée? Comment qu'on peut le réinterpréter? Après ça, il y a le canon, un peu comme le canon de Pachelbel. Est-ce qu'il y a moyen de recréer ce système-là, je vais dire? C'est-à-dire de répétition d'une histoire, mais en la modifiant un peu à chaque fois. Aussi, ben, tant qu'avoir 9 dessinateurs, on peut avoir 9 interprétations différentes d'un même, soit d'un même personnage, ou d'un même texte, ou d'un même contexte. Fait qu'il y a quand même beaucoup de possibilités avec 9 dessinateurs. Fait qu'on a quand même pas mal tous nos concepts, puis il va s'agir là, de s'entendre, là, d'expliquer qu'est-ce que ça va être, et puis les dessinateurs n'auront pas de misère à s'y fondre. Et Julien, justement, est-ce que c'est la première fois que tu vas te retrouver entouré d'autant de dessinateurs en même temps? Puis ça va être très instantané, là, et les 9 vont produire quasiment en même temps. Enfin, c'est au bon souhait du chef d'orchestre. Ben là, d'ailleurs, j'ai pris plein de notes pour bien me préparer. Ah, voilà. Mais autant de dessinateurs en même temps, si on arrive à être les 9 en même temps, j'ai jamais vécu ça, autant de dessinateurs qui feraient du dessin en direct comme ça. J'imagine, puis j'espère qu'il va y avoir des variations au niveau du nombre, parce que moi, plus je fais de la bande dessinée, plus je trouve que le médium et le milieu de la bande dessinée ressemble à celui de la musique. On fait des albums, on fait des lancements, le médium de la bande dessinée, comme la musique, a une narration, a un rythme. Donc, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est une super bonne idée, l'orchestre et les dessinateurs comme ça. Francis, moi, je suis curieuse de savoir, ça va être quoi les codes? Comment tu vas réussir à diriger des dessinateurs? Est-ce que tu auras le droit de parler quand même, ou c'est vraiment juste des gestes qui vont être des codes entre vous? Les deux, en fait. Probablement que je vais quand même plus parler pour commencer, parce que les dessinateurs, on n'est quand même pas habitués d'être dans une dynamique comme ça, de où on est dirigé. Donc, au début, il va y avoir quand même des trucs où je vais comme lancer des commandes, et puis, bon, les dessinateurs vont exécuter. Mais prends des notes, Julien? Oui. C'est pour ça qu'on l'entend plus. Ouais. Bon. J'ai un de mes bons amis, Frédéric Labrasseur, qui lui dirige des impros, des groupes d'improvisateurs, justement avec des signes comme ça, puis il m'en a comme refilé quelques-uns. Mm-hmm. Donc, j'ai envie d'essayer ça aussi, tu sais, de sans parler, de signifier, bon, ben là, je veux une mise en place, je veux un plan d'ensemble ou je veux un gros plan du personnage principal. Je veux un plan pied dans son décor du méchant. Je veux de l'ambiance. J'ai des signes assez simples qui devraient indiquer ça et qui vont pouvoir donner là des idées aux dessinateurs. Les dessinateurs, évidemment, ça demeure de l'impro pour eux, donc faut quand même qu'ils aient ils vont devoir quand même inventer. Tout ne viendra pas de moi, là, il va leur rester une bonne part d'invention pour eux. Aussi, il faut dire qu'il y aura quand même deux musiciens, Nicolas Jobin et Frédéric Brunet. Donc ça sera pas 9 dessinateurs en silence avec seulement le bruit des crayons sur le papier. Et les musiciens, eux, sont en improvisation aussi, ou est-ce qu'ils savent déjà vers quoi on s'oriente? Ben, eux sont là davantage en appui aux improvisateurs. Donc, il n'y aura pas le but pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des commandes ou bon des indications, mais pour l'instant, ils sont pas intégrés. On les intègre pas comme tel à tout le processus. Ils viennent nous aider, appuyer, à rendre ça quand même plus vivant un peu. Mais il n'est pas exclu que justement, si on parle de Big Band, eux vont sûrement être en mesure de donner un peu une idée, d'être un big band à deux. Alors, on a vraiment des informations exclusives, autant pour Julien, dessinateur parmi les 8 autres, et les auditeurs qui nous entendent, parce qu'il n'y aura pas de pratique pour ce spectacle, donc le mercredi 13. Et justement, Julien, quelle est ta plus grosse crainte? C'est quoi, toi, ce qui te sort un petit peu de ta zone de confort dans ce genre d'un soirée d'improvisation? Ben évidemment, je dirais que c'est l'angoisse de la page blanche, mais plus on en fait, plus on est à l'aise, puis plus je pense qu'il faut foncer. Là, le défi avec autant de participants, autant d'artistes en même temps, je pense que ça va être d'avoir une surécoute, une écoute qui est plus grande que lorsqu'on fait un match d'impro où on a deux, trois comédiens en même temps, avec peut-être la complicité d'un autre dessinateur. Là, il doit y avoir une chimie, une complicité qui doit se créer avec tous les autres dessinateurs. Donc ça va être assez... c'est un gros défi. Mais moi, je pense que ça va bien fonctionner, puis j'espère qu'il va y avoir déjà une deuxième édition, parce que je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Si, justement, tout le monde reste à l'écoute, reste à l'affût, tout le monde lâche son fou un peu, puis que Francis nous fait des signes compréhensibles. Mais faut dire aussi que les dessinateurs sont, pour la plupart des gens, assez aguerris, justement, au dessin en direct, et en particulier Julien, là, qui est une machine, là, qui dessine très vite et très bien. Alors, on a hâte de voir ça. Mais justement, Julien, est-ce que tu connais bien les autres dessinateurs? Il va y avoir des rencontres aussi? Il y en a que je connais bien. Il y en a avec qui j'ai déjà participé à des événements d'impro BD, notamment Richard Valran et Estelle Bachelard. Il y en a d'autres que je vais découvrir pour la première fois. Donc, j'ai bien hâte de voir leur style, leur approche, c'est quoi leur style de dessin? Est-ce qu'ils sont ils misent plus sur la beauté du dessin ou sur l'efficacité du trait ou sur l'idée, donc on a chacun un peu nos styles, nos techniques. J'ai hâte de voir les variations. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée alors avec l'orchestre des dessinateurs Lab Dessiné. Ça sera ce mercredi 13 avril de 19h à 20h30 à la Maison de la Littérature. Il y a un coût d'entrée de seulement $10, mais ça va être une soirée pleine de surprises, comme vous l'aurez compris. Julien Paré-Sorel, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Révise bien tes notes. Oui. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Et Francis Dernay, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de préparatif alors pour cette soirée. Et surtout le Festival de la BD francophone de Québec. On va te retrouver dans d'autres rendez-vous. Oui, le jeudi, je fais partie du fabuleux Cabaret Imparfait qui sera du cirque dessiné. On travaille, ça fait plus de 2 mois qu'on travaille assez fort là-dessus. Donc ça va être une autre très très belle soirée. Et on aura l'occasion d'en reparler dans Stéréo Local. C'est aussi prévu dans les prochains sujets. Ah ben, merci encore, Francis Dernay. Dans quelques instants, on retrouve nos chroniqueurs Jacques Boivin et Sabrina Cloutier pour parler des spectacles qu'on a vus en fin de semaine. Vous écoutez CKRL 89.1. En avril, Parenthèse 9 vous offre une série de croisements entre disciplines plus surprenants les uns que les autres.

garde-moi, rend hommage à nos troupes. Regarde-moi, est ému pour tous ceux qui souffrent. Regarde-moi, m'indigner contre les enfants qui travaillent dans les usines. Ah, regarde les beaux souliers que je viens de m'acheter. Ah, regarde ma dernière montre. Ah, regarde, c'est qui se casser, casser qu'un nouveau cellulaire. Ah, regarde, c'est la saison de barbecue. Ah, regarde le nouveau balcon. Ah, regarde la rallonge à la maison. Ah, regarde, on s'est fiancé. Ah, regarde la limousine pour mon bachelor party. Ah, regarde, on s'est marié. Ah, regarde, je suis rendu sage. Ah, regarde mon bébé, le condom détaché. Le corps se passe en bas dans le front. Alors, le son transcendant des Hôtesses d'Hilaire qui nous a totalement ensorcelés hier à Alenti. Et je suis avec Jacques Boivin pour en parler. Salut Jacques. Salut. Excuse-moi, j'ai pas allumé le bon micro. Voilà, on est ensemble. Salut. Salut Jacques. Alors, l'Anti accueillait hier un triple plateau. On commençait la soirée avec Godendard. Oui, une formation de Québec qui fait... J'aurais tendance à dire, pour pas trop compliquer les choses, qui joue du rock. Ouais, mais c'est quand même du rock oui, c'est fort, du rock bien rentré, très, très lourd. C'est un mélange de rock, de rock très classique, mais il y a aussi des petits airs de métal, de punk, de stoner. Ça change d'une pièce à l'autre. Il y a des chansons, c'est justement ils ont un peu plus, ça ressemble un peu plus trois accords classiques punk rock, guitare, bass, drum. C'est un trio d'ailleurs, ça tombe bien. Et ils sont très très très. Non, en fait, c'est un quatuor, excuse-moi. Mais ça tombe bien, ils sont extrêmement énergiques, quelle que soit la chanson qu'ils jouent, que ce soit du punk, que ce soit du gros rock, que ce soit des chansons avec des accents métal. Julien Babin, que je dois dire, fait partie de l'équipe d'écoute donc.ca, donc je suis pas tout à fait objectif, joue de la guitare assez solide avec le groupe. Il se permet des solos assez incroyables. Vraiment, j'ai été étonné. Le chanteur, j'ai noté qu'il chantait comme une case. Il chante pas, il gueule, il hurle un peu. Ouais, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Non, vraiment pas. Ça ressemble un peu à la voix que peut avoir mon oncle Serge quand il chante avec Anonymous. Ah ouais. Donc tu sais, une voix un peu, mais en même temps sympathique. Puis ça va avec le reste du style du groupe qui est vraiment amusant, qui arrive déguisé en bûcheron, parce que si vous regardez votre dictionnaire, vous allez voir qu'un Godendard, c'est une scie. Mm-hmm. Qui sert justement. Une belle image à travers le nom. Oui, d'ailleurs, ici, on voit la pochette de leur disque, on voit très bien de quoi on parle. Bon, en fait, pas si bien que ça. Ouais, ce que j'allais dire, moi, je trouve pas que ça ressemble à une scie, mais bon, c'est tout à fait imagé. Mais c'est ça. Ils arrivent sur scène avec leur chemise à carreaux, pas de manches, évidemment, ils ont coupé les manches parce que ce sont des rockeurs. Et vraiment, ils jouent une belle game. Le chanteur, qui est aussi. C'est une soirée de chanteurs charismatiques, je te dirais. Il est dedans, il embarque, il est sympathique. On a envie d'aller prendre une bière avec lui sur le stage. Et pourtant, il a de l'air quand même relativement tranquille. Mais il donne des coups de pied, il s'amuse, il danse entre les tunes. Puis il danse d'une drôle de façon qui fit pas tout à fait avec la musique. Il se laisse aller, il se déhanche. C'est dans la thématique de la soirée aussi. C'est ça. Il se laisse aller, il se déhanche. Pourtant, il y a un gros solo quasiment à la Iron Maiden à côté, t'sais. C'est pas grave. Tout ça ensemble fait que ça fit. Une très belle première partie qui annonçait, j'étais peut-être pas le reste de la soirée parce que le groupe qui a suivi était plus tranquille un peu plus classique dans son rock, mais quand même qui fitait très bien avec le reste de la soirée. Alors oui, ça lançait la soirée puisque c'était le premier groupe de ce triple plateau. On écoute un extrait de leur EP d'ailleurs qui est disponible sur Bandcamp en Name Your Price. Donc ça veut dire qu'on donne ce qu'on veut pour pouvoir télécharger. Contribution volontaire. Exactement. Qu'on espère proportionnelle au plaisir. Exactement, tu fais bien de le préciser, Jacques. Et donc, il y a trois chansons qu'on peut avoir sur cette EP. On va écouter la première, Le Feu. Des maisons qui brûlent, les corps de chien, les mains qui pleurent, la canne noire, on sort nos chaises, on s'en verse feu, on souffle le cœur, on appelle Steve. La rue s'ouvre à lui, minuit c'est son style, il fait pas si frais quand il est dans God of Fire. God of Fire, God of Fire. Les spectres bleus, les éclats de fer, le feu qui crie, le lit de braise, on flippe les gens, on court nos billes, on rit, on pleure, on appelle Steve. La rue s'ouvre à lui, minuit. Ah oui, ça commençait bien la soirée. Et effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça peut faire penser à mon oncle Serge. Ouais, hein? Ouais, vraiment. On continue avec Raton Lover. Alors c'est drôle parce que ça peut être très rock comme ça peut être très romantique, hein, d'où le oui, nom, hein, Raton Lover, ça joue là-dessus. Mais très rock, c'est encore drôle parce que c'est un autre genre de rock complètement différent. On tombe dans le rock, j'aime dire le rock du sud des États-Unis, teinté de beaucoup de country ou du rock influencé par des groupes comme Wilco, où je jasais justement avec les membres du groupe hier, puis on parlait de d'autres influences comme Ryan Adams, vraiment là, du country. Country rock, un alternatif indépendant américain. C'est le piano qui doit donner ça un petit peu, parce que moi je le ressens pas comme ça. Moi c'est plus le rock classique, tu vois, et ils font une reprise de Pourquoi qu'on le fait pas dans mon char, oui, qui est une traduction d'une chanson des Beatles qui n'a jamais été arrangée au complet. Mais tu vois, les Beatles, je trouve que rock classique comme oui, ça leur va mieux. Il y a un petit côté rock'n'roll aussi, très Beatles, très mélodieux. Mais quand je parle de Wilco, justement, quand on connaît un peu l'amour de Jeff Tweedy pour la musique très plus pop un peu, puis justement pour la mélodie, ça marche encore. Et les gars de Raton Lover ne s'en cachent pas, c'est ce qu'ils écoutent. Et oui, ils écoutent beaucoup les Beatles aussi, et ça apparaît. Et on a eu une prestation un peu raccourcie par rapport à ce qu'ils font d'habitude, c'est sûr. Ils n'étaient pas les vedettes de la soirée, ils étaient comme les deuxièmes sur la progression. Ouais. Mais on s'entend que, bon, quand même, il y avait beaucoup de monde qui était là pour les voir. Et on a pu entendre surtout des nouvelles chansons. Ils en ont fait deux ou trois, dont ils ont commencé avec du nouveau stock. Et j'ai cru remarquer que on s'en va dans la même ligne, mais les chansons sont vraiment encore plus mélodieuses, encore plus de mélodies, encore plus de travail sur les enchaînements, sur les paroles, musique. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail récemment en pré-production parce qu'ils rentrent en studio incessamment. Oui, bah ils ont déjà fait une session un petit peu en studio. Oui, ils ont fait ce qu'on appelle la pré-production. Mm-hmm. Puis bon, en fait, il y a quelques trucs. Mais là, ils rentrent vraiment très sérieusement avec Danny Placard dans les prochaines semaines. Il y a un Placard qui va réaliser leur album, d'ailleurs. Donc, ça va être super intéressant pour ça. Et on a eu justement quelques avant-goûts. Évidemment aussi, on fait quelques classiques comme Pourquoi qu'on le fait pas dans mon char, ou une pièce qui va se trouver sur le nouvel album mais qui est pas nouvelle du tout et qui, je crois, fait réagir tout le temps Jessica toutes les fois qu'elle l'entend. Ouais, ça parle de la France, non? Ou ouais, des Françaises spécifiquement. Ouais, des Françaises. C'est vrai qu'on devrait l'entendre dans pas si longtemps en version enregistrée. J'ai bien hâte qu'il la sorte. Je peux rien vous dire pour le moment. Moi aussi, j'ai des petites exclusivités. Ah oui, hein? Mais oui, en tout cas, ce qui est le plaisir. Moi, ça fait plusieurs fois que je les vois à Raton Lover. Je pense que c'était la quatrième ou la cinquième fois. Je perds jamais de plaisir parce qu'ils s'amusent énormément sur scène entre eux. Et c'est contagieux. On a vraiment envie de sourire avec eux. Et les chansons sont très efficaces. Donc, on s'en lasse pas. Il y avait du nouveau matériel. Donc ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ceux qui viennent plusieurs fois les voir, même si c'est la deuxième fois finalement. Donc oui, ça donne un bel avant-goût de ce deuxième album, et franchement, moi je trouve ça très prometteur. J'ai hâte qu'il le sorte. Je sais qu'on va devoir patienter au moins jusqu'à fin 2016, voire début 2017. C'est assez long, mais ils tournent beaucoup cet été. Ils m'ont dit 35 dates de spectacle. Oui, dans l'Est surtout. Dans l'Est beaucoup. Oui. Il y a le festival en chanson de Petite-Vallée où ils ont été annoncés. Beaucoup en Acadie aussi. Ouais, et avec les hôtesses d'Hilaire, Acadie Rock aussi. Voilà. Plein de beaux festivals pour eux. Si ça vous tente d'aller passer le mois d'août au Nouveau-Brunswick, vous allez probablement les croiser. C'est certain. Donc Raton Lover, encore soirée réussie. Effectivement, ils ont leur public à Québec. À chaque fois, on peut voir des têtes familières qui les suivent un peu partout. Et ils m'ont dit, oh, on a peur parce qu'on joue beaucoup à Québec. On a joué beaucoup à Québec dernièrement. En même temps, ils sont ici. Oui, ils jouent à la maison, puis ils ont leur public. Puis, tu sais, personnellement, je m'en cache pas, c'était quoi la sixième fois que je les voyais depuis juillet, moi, là. Je les vois souvent. Puis justement, c'est ce qui était le fun, c'était d'avoir du nouveau matériel, pouvoir l'analyser, pouvoir l'écouter, pouvoir en profiter. Et je pense que c'est bien parti. Ils vont voir le deuxième album avec une tournée, avec plein de nouvelles chansons essayées. Je pense que même si vous les avez vus à quelques reprises, vous vous entendrez pas cet été si vous allez les voir. Ben, ça promet, ça évolue. Effectivement, on est un peu loin de ce premier album qui est sorti en 2014. Moi, je leur ai dit, je suis quand même étonnée que vous tourniez encore autant, voire plus, alors que votre album est déjà sorti il y a 2 ans. Donc, c'est quand même bien pour un groupe de Québec. Oui. Il faut le rappeler. Et visite acadienne, comme on le disait. Ben justement, tant qu'à parler de festival Acadie Rock et parler d'Acadien, bien évidemment, les vedettes de la soirée étaient ce merveilleux groupe qui s'appelle les Hôtesses d'Hilaire, mené de main de maître par un Serge Brideau qui était hier soir en forme et en robe. Oui, toujours un costume particulier, ça fait partie de la caractéristique. Et ce soir, c'était une robe, hier soir plutôt, c'était une robe rose, orange, avec du blanc. Puis dès qu'arrivaient des projecteurs rouges, roses, oranges dessus, on voyait plus, on avait l'impression qu'il était en robe blanche. C'était vraiment particulier. Et c'est la troisième fois que je les vois de façon assez récemment, et c'était la troisième fois que je voyais un ordre complètement différent des chansons. Ils ont pigé beaucoup dans le vieux stock, ils ont pigé aussi dans le nouveau. Il y avait plein de trucs intéressants. Je me souviens qu'on m'avait demandé, bon, quand est-ce que tu penses que telle chanson va jouer? J'avais dit, ça devrait être à tel endroit dans le spectacle. Puis finalement, c'est arrivé beaucoup plus tard. Tu peux le dire, c'est moi qui t'ai demandé. Ah, mais c'est toi qui m'as demandé quand est-ce que... Tu m'as demandé de t'étayer. Voilà. Puis bon, je t'ai dit, ça devrait être pas mal au début. Puis finalement, non, ça a été beaucoup plus tard. Et à ma grande surprise, ils ont commencé par, je te dirais, un numéro assez époustouflant, juste les musiciens. Brideau était en arrière à console, puis regardait ses gars. Puis c'était les musiciens qui avaient commencé. On est dans le rock psychédélique. Années 70, moi, années je trouve, 70, vraiment. On était vraiment rendus à quelque part en Grande-Bretagne, vraiment dans l'époque Pink Floyd. T'sais. J'ai l'impression que Syd Barrett traînait pas trop loin encore. C'était assez hallucinant. T'sais, je t'en ai déjà parlé en parlant d'acide et de mais c'était au sous-sol du cercle. Là, c'est vrai qu'à l'Antis, c'est une autre ambiance. Mais aussi. L'ambiance était plus propre un peu. Je te dirais que le spectacle n'était pas nécessairement. Mais ces musiciens-là, vraiment, Brideau a laissé beaucoup de place aux musiciens hier soir. Puis, on en a vraiment eu, je te dirais, plein la gueule. Vraiment. Dès le début, en plus, il y a une introduction d'au moins 5-6 minutes, je pense. Hein. Complètement instrumentale. Voilà. Et puis vraiment, là, on a le droit, on voit tout le talent. Là, puis vraiment voir à quel point cette musique-là est comme menée par les claviers. Il y a beaucoup de guitare, il y a beaucoup de basse, il y a de la batterie. Là. Ils ont un excellent batteur qui se fatigue jamais. Mais vraiment, les claviers sont tellement d'une importance incroyable. L'orgue qui est là-dessus. Toutes les influences, justement, 60s, 70s, qu'on peut retrouver. Et puis là, arrive Serge Brideau, qui parle plus, qui chante, évidemment. Et puis, j'ai comme eu un drôle de flashback quand j'ai entendu Brideau. J'ai commencé à penser à... Tu sais, j'étais à parler, il n'y a pas si longtemps, que j'avais vu un groupe qui s'appelait Autre Chose, qui était justement dans le rock, pas très propre, avec un chanteur qui chante pas, qui parle, Lucien Francœur, et une musique qui était quand même justement assez psychédélique à l'époque. Puis j'ai passé une bonne partie de la soirée d'hier à faire des parallèles entre Autre Chose et puis les Hôtesses d'Hilaire. Bon, la poésie est pas pareille pantoute, le Brideau est dans un autre espace, il raconte des histoires légendes vraies. C'est ça, des légendes vraies, c'est pas il se dit pas poète comme Francœur le faisait. C'est un conteur, mais c'est un excellent conteur. On embarque dans ses histoires, on l'écoute, puis la musique qui est en arrière fonctionne extrêmement bien. Ça pourrait être de la musique de film aussi, justement, de film justement un peu sale des années 70. Puis on embarque, puis on est accroché à ses lèvres, puis à sa barbe, puis il arrête pas, puis il raconte, puis il est tellement il est très expressif, il a son visage veut tellement tout dire quand il parle, puis attends, il joue beaucoup avec sa voix, évidemment, tant, il chante pas, mais comme il parle, il monte le ton, il baisse le ton, il devient plus calme pour parler de trucs plus calmes. Il se fâche quand c'est le temps de se fâcher. Une de ses chansons, en rappel, qui était c'est Glenn qui l'a dit, qui est une chanson de 10 minutes sur l'album, qui parle de dinde au micro-ondes et puis de roast beef au micro-ondes. Tu l'entends, excuse-moi l'expression, péter sa coche sur la qualité de la bouffe cuite au micro-ondes, et sur d'autres choses aussi, sur le fait qu'on se révolte pas, qu'on est une société de moutons. Puis il y a beaucoup on parlait au départ que les Hôtesses d'Hilaire étaient un groupe pas très sérieux. Des fois, quand on écoute les paroles, on a l'impression, mais non, au contraire, t'écoutes les paroles des chansons, c'est très engagé comme texte. Oui, puis ils se gênent pas. Puis Serge se gêne pas pour improviser, pour en rajouter, pour en retirer pendant les spectacles. Donc, il y a toujours quelque chose de différent qui vient chercher. On n'a pas le choix d'écouter. Puis on sort de là, puis on fait « wow ». Puis vraiment, je me pose une question, probablement que c'est une question de timing. Comment ça se fait que ce groupe-là n'est pas avec le reste de la programmation des Nuits psychédéliques cette semaine? Mm-hmm. Ça aurait été un match parfait. J'imagine que, bon, c'est une question de calendrier. Certainement, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de spectacles aussi pour les Hôtesses d'Hilaire, encore cet été, d'ailleurs. Mais pas juste cet été, juste cette semaine, je sais qu'ils tombent partout. Là. Mm-hmm. Mais ils auraient été un match parfait. Puis justement, c'est comme ça a mis le ton à une semaine qui va être pas mal dans le genre avec Sandvice, les Indiens. On va en avoir du psychédélique là, cette semaine. Mm-hmm. Ceux qui aiment le genre, là, vous allez être gâtés. Donc, oui, puis cet été, ils sont un peu partout. Eux autres avec sont aussi au festival d'été, comme Raton Laveur, d'ailleurs. Exactement, oui. Et d'autres festivals qui vont annoncer leur programmation cette semaine. Je vois ton petit sourire en coin. Mais c'est très drôle parce que Serge Rideau, donc le chanteur de Les Hôtesses d'Hilaire, a révélé hier en sortant, il venait voir les gens, il disait « Ah, merci beaucoup d'être venu ». Donc, il a tenu à remercier. Puis, il m'a dévoilé un festival auquel ils étaient. La programmation n'est pas encore dévoilée, mais il disait qu'il s'en foutait. Bon, ça va avec le personnage. Oui, donc, mais c'est ça, c'est drôle. Mais je pense pas qu'il soit exactement sous embargo non plus. C'est plus nous autres qu'ils le sommes. Bah, les artistes sont pas censés révéler leur présence dans certains festivals. S'ils le font tous, il y a plus de surprise. Ils le font en privé. On va le laisser. Je sais pas. Moi, on va bien le laisser contente. Se gâter un peu. Ben oui, c'est une petite confirmation comme ça, un petit scoop, surtout si on garde entre nous autres. Là. Exactement. Mais bon, très très belle soirée. Effectivement, moi aussi j'aime beaucoup la place qui est laissée à l'instrumental. Hein. Serge Rideau n'hésite pas à sortir de la scène pour laisser les musiciens jouer pendant 5-6 minutes. On sent qu'il n'y a pas un ego surdimensionné comme ça, justement, qui veut prendre toute la place sur scène et qui veut juste conter ses histoires. Non, il sait se retirer. Il le fait bien souvent. Il est allé maintes fois dans le public. J'ai beaucoup aimé sa séquence de danse contemporaine sur le bar. C'était un grand moment. Dès la première chanson, il me semble. Ah oui, mais la danse contemporaine sur la barre, j'ai pensé, bon, ça y est, j'aurais dû inviter Anatole. mais tu vois, j'ai déjà vu ça, mais en même temps, de la façon que Brideau le fait, non, j'ai jamais vu ça. Là. Mm-hmm. Il nageait littéralement, puis dansait sur le bar. Il avançait très vite, et les gens avaient le réflexe d'enlever leur verre du bar en le voyant arriver. C'était vraiment une séquence très drôle. Donc, c'est pour montrer à quel point Serge Brideau peut nous surprendre. Il se prend pas au sérieux. Mais pourtant, on devrait le prendre plus au sérieux. Ouais. On a tendance, des fois, justement, il se prend pas au sérieux. Mais non. Ouais, il fait le spectacle. Quoi. Les hôtesses, c'est du sérieux. On va en entendre beaucoup parler les prochaines années. Et allez les voir sur scène, parce que l'écoute du disque, c'est une expérience. Les voir sur scène, c'en est une autre. C'est ce genre de groupe qui nous l'apprend à chaque fois et qui nous le révèle. Donc, très belle soirée. Une expérience qui se renouvelle à chaque fois jusqu'à maintenant. Là, c'est jamais la même chose. J'ai vu trois shows différents. Mm-hmm. Et c'était le cas aussi avec Raton Laveur, donc, qui était hier. Et ben, c'est l'extrait qu'on va écouter pour finir cette critique de spectacle. On avait beaucoup de choses à dire sur ce triple plateau, Jacques. Hein. Ben, ça a été un bon. Donc, une belle soirée. Merci, Jacques Boivin. Ça fait plaisir. À très vite pour d'autres spectacles, donc dans Stéréo Local, on écoute Raton Laveur. Je t'avais pourtant prévenu du foutu danger. Dormait de l'autre bord de la rue, mais t'as pas écouté. moi je finis tout seul à brûler les retards du plancher. Dès le début, tellement tes yeux brillaient. Si j'avais su où tout ça nous mènerait. Mais j'ai pas tout seul à brûler les retards du plancher. Puis j'ai bûché, oui j'ai bûché pour oublier la vérité. Quand tu sortais, le cœur me fendait. Fallait que j'aille vérifier. Je t'ai suivi, je vous ai pogné. Puis même si tu pleurais, j'ai pas pu. Raton Lover avec les retailles du plancher, et je pense que c'est la chanson qui ressemble le plus à ce qui nous attend pour le deuxième album, à l'écoute des nouvelles chansons qu'on a eues hier à l'Anti. Je vous laisse avec Robert Boisclair pour Les Enfants du Paradis. Nous on se retrouve dès demain en direct de la ligne Quasi-Saint-Jean, d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, on y est dès 15h30 au 811 rue Saint-Jean, l'occasion pour vous de rencontrer les invités, les chroniqueurs. On parlera de yoga fitness demain, c'est une nouvelle activité qu'on peut faire à Québec. On aura également le lancement de 3 BDistes à la ligne Quasi-Saint-Jean. Ça sera juste après l'émission, mais on les aura en entrevue avec nous. On parlera également critique d'album. Je vous souhaite une très très belle soirée sur les ondes de CKRL. C'était Jessica Leb au micro pour vous accompagner. Téléchargez l'émission stéréo locale sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les Bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leur coup de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. LibrairiePantoute.com. En avril, Parenthèse 9 vous offre une série de croisements entre disciplines plus surprenants les uns que les autres.